Comment le don peut-il sauver le monde ? Face au désordre de l'histoire et du monde, en particulier à notre époque, on a envie de recourir à l'héroïsme individuel et à la générosité collective. Et de fait, dans des sociétés libérales en particulier, où l'échange et l'impôt semblent insuffisants à permettre des relations équilibrées et justes entre les humains, le don semble une réponse absolument fondamentale. Les organisations non gouvernementales, les organisations humanitaires, même les organisations médicales dépendent des dons des particuliers, des dons d'argent, des dons d'organes, des dons de toutes sortes pour permettre des relations justes entre les humains. Et de même, faut-il parfois donner en effet de sa personne? Le bénévolat n'est-il pas au cœur de nos sociétés libérales, justement comme une forme de soupape fondamentale qui permet de dépasser l'échange commercial et aussi l'échange imposé, l'obligation et bien sûr encore pire, le vol ou la fraude ou la force. Le don semble donc une sorte de réserve morale sans laquelle le monde ne pourrait pas survivre. Et pour certains, c'est même dans le don, entre celui qui donne et celui qui reçoit, qu'apparaît un monde, la possibilité même d'un monde partagé. Pourtant, il faut dépasser sans doute cette vision purement morale, psychique, personnel et en quelque sorte mystique du don et de ce qu'il rend possible. Peut-être faut-il comprendre aussi que le don n'est pas possible sans une institution du don qui n'est jamais seulement sociale, mais aussi politique. Sans une politique du don, le monde n'est pas capable d'être sauvé, même par les meilleures intentions du monde, justement. Pourrait-on dire, oui, il faut d'abord des contrôles politiques pour que les dons arrivent à leur destinataire et ne soient pas détournés de leurs intentions. Mais cela même ne suffit pas. Il y a des cas de fraude dans les organisations les mieux intentionnées en apparence. Mais encore faut-il aussi que le don ne remplace pas les contributions qu'on a envie de dire obligatoires aussi pour assurer la justice entre les humains, car les intentions peuvent être mauvaises et les bonnes intentions ne pas suffire. Il faut une politique qui fasse de la générosité en quelque sorte un complément à une forme de relation instituée, publique, politique, sans laquelle en effet le monde n'est pas possible. La morale individuelle, la mystique collective ne suffira pas à réguler les échanges entre les humains, et on peut comprendre en effet que le système de redistribution, tel qu'on appelle parfois les impôts, ce système de redistribution est quelque chose en effet, ce paradoxe d'un don obligatoire, non pas au sens de la mise en scène du gratuit, qui est en réalité une obligation qu'ont découvert les sociologues, mais vraiment d'une institution politique, du don mutuel, parfois dissymétrique, oui, par exemple, de ce revenu minimal qu'on doit donner à tous les humains pour qu'ils aient une chance. Que serait un monde où les humains ne recevraient aucun don de personne jamais au point de départ de leur vie ? Un don minimal à chacun, c'est peut-être la condition du salut du monde.